Oui, nous, Parti Socialiste, on aime bien le nouvel album de Papa Sisko. Papa Sisko, je pourrais avoir un petit autographe?